Au bout des combats patients, autour de moi naît le silence, et qu'il s'étend jusqu'en dedans, l'oiseau de feu danse et s'élance. Les mystères, les monstres, les fées, les dragons sortent de l'ombre à la lumière. Tout ce qui dormait jusque-là s'éveille tout comme on inspire. La vie fait place au cinéma et c'est le temps du grand délire. Gros plan sur le soleil ouvert, à pleine porte dans la nuit. Sur l'autre versant des repères, le voyageur n'est plus ici. Il flotte dans les souvenirs qu'il a cueillis dans d'autres vies. Le passé prêt à ressurgir, brûle les scellés. Dans un corridor, pour après un ballon de lune, un castor a trompé la mort, il bat de la queue dans la brume. Un vieillard veille un atanor depuis des siècles taciturnes. Dans les nitrates de phosphore dorment les secrets de Saturne. Un aigle a volé le ballon et l'enfant a perdu des plumes. La mort qui dort dans les canons suinte ses parfums de rancune. Qui osera sortir du rang pour bousiller les vieux modèles et planter l'arbre du printemps au cimetière des poubelles? Le vieillard a levé les bras en reculant dans son silence, étranglé par son eureka, il a saisi l'impermanence. Il s'est reconnu dans l'enfant avant que ne coulent les siècles. Dans les corridors du néant, la lune est devenue suspecte. Le temps s'est enfui des horloges, on a volé le nord du nord, tandis que l'aigle s'interroge, on entend la queue du castor. Dans les marais du souvenir, un corps gisait dans le silence. L'oiseau de feu voulait s'enfuir après qu'il eut fêté sa danse. Et moi je retrouve mon corps, comment revient vers sa demeure. Je vois un arbre à son qui dort sur l'écran de cinéma mort. J'ai dormi avec ma guitare, gorgée lucide de café. Je penserai un peu plus tard, on dirait bien que j'ai rêvé.